10-11, activation orale, accord. Répondez selon les exemples. Vous entendez ? 1. Ça va. Vous dites ? Oui, ça va. Ou bien vous entendez ? 2. Ça ne va pas. Et vous dites ? Non, ça ne va pas. Allons-y. 3. C'est difficile. Oui, c'est difficile. 4. Ce n'est pas un joli prénom. Non, ce n'est pas un joli prénom. 5. Il aime ça. Oui, il aime ça. 6. Elle est divorcée. Oui, elle est divorcée. 7. Elle n'est pas française. Non, elle n'est pas française. 8. Vous aimez les films italiens ? Oui, j'aime les films italiens. 9. Vous êtes français ? Oui, nous sommes français. 10. Vous ne parlez pas français. Non, nous ne parlons pas français.